un destinataire. Il diffuse à l'univers son appel d'air pur. Cherche son inhalateur de Vénus à Mercure. Cyclope sécrète son cri sacré sans crainte. Sillonne les comètes, espère la moindre empreinte de vie. Et devant le grand vide, il avoue qu'il aimerait bien voir un ovni sauter à son cou. La meute, et mets-toi à la mette. Y'a des mythes qui t'émiettent comme un lendemain d'émeute. Cyclope n'avait qu'une étoile dans la mirette. Scrutait sans cesse les galaxies pour pas rater sa comète. Qu'il n'y ait pas de l'œil, qu'il n'y ait pas de faille. Question d'orgueil, il fouille le ciel avec son télescope. Sans sentir l'escorte, c'est un scoop. Une sorte d'évidence secrète qui lui découpe le souffle. Sa comète, elle était déjà passée sur sa planète. La Finlande t'avait même, je crois, squatté son canapé. Si tu mates sous ta couette, t'envoies encore les miettes. Mais pour le voir, Cyclope, fallait baisser un peu la tête.